pas, ils chantent pas bien mes cœurs. C'est faire les thank you. pas partir. Thank you. Thank you. Nigga. Boom, blah, boom, boom, blah, boom, boom, yeah, yeah. Show me a path.